ici Pierre-Luc. Ici Yannick de Trois-Bières. On vous invite tous les deuxièmes mardis du mois au bar Les Passages sur Rachel pour les soirées enregistrement de Pas de problème et pour le broadcast. Vous avez un problème? Ils ont un podcast! Yeah! Nous avons un podcast! Yes. Bonjour et bienvenue à la balado-diffusion Pas de problème. Ici Frédéric Barbouchy en compagnie de Martin Wally. Salut Frédéric! Salut Martin! Salut! Ça va? Oui, ça va toi? Oui. Mathieu Bouillon! Je m'excuse, moi c'est Martin Boily. Salut, Martin Boily! Oh, puis moi c'est Mathieu Bouillon! C'est moi le vrai Boily! Et notre invité de la semaine, Joseph Elfassi! Salut, salut, c'est moi-même. Salut! Salut, Joseph! J'ai dit salut deux fois, genre j'étais comme redondant déjà. Ah non, mais fais-toi un pas pour ça. D'habitude, Mathieu dit talut, talut. Oui. Donc, qu'est-ce que c'est, pas de problème, Mathieu? Pas de problème, c'est la balado-diffusion la plus populaire dans ton cercle d'amis. Nous sommes trois personnes et un invité qui répondons à chaque semaine à des problèmes existentiels que nos auditeurs se posent. Est-ce que c'est « dois-je garder mon enfant » ou « qui a écrit « La cigale et la fourmi »?» Aucun problème ne nous fait peur. C'est excellent. Ah. Excuse-moi, là, peux-tu continuer à parler? Je suis en train de mettre ça sur Twitter. Oui, voilà. Alors, nous sommes disponibles sur iTunes, sur Balado Québec, via Facebook et depuis peu sur MIRC. Par contre, nous attendons toujours que quelqu'un rentre sur le channel. Non, je l'ai dit, Mathieu, on a fermé le channel MIRC parce que c'était moi l'opérateur et j'étais tanné d'être tout seul. Bon, alors finalement, il ne reste que ICQ, nous sommes une fleur verte. Non, on a aussi fermé le compte ICQ ainsi que le compte sur Pignon sur rue. Oui, le chat, la jazette. C'est toutes les gars qu'on a fait v'là trois semaines, Mathieu. Non, croire. Mais pas v'là trois semaines et v'là trois ans aussi. Oui, et v'là trois donc, ans. Voilà. Messieurs, si on veut assister à Pas de problème, on vient le deuxième mardi de chaque mois au bar Les Passages à 20h. On enregistre et ça prend 18 ans et plus parce qu'il y a de la boisson. OK. Malade. Oui, c'est ça. Alors merci Normand. Donc tous les deuxièmes mardis du mois on enregistre devant public et puis on s'amuse et à partir du 13 août prochain, c'est-à-dire au prochain enregistrement, oui, on arrête de s'amuser. On arrête de s'amuser. Non! Ah. Non! Nos enregistrements seront suivis du broadcast, c'est-à-dire les bros de podcast. Ça fait broadcast. Tu comment? Oui. C'est même Yannick, je pense que Yannick de Trois-Bières, des bros de cast à nous, qui a dit ça sur son. T'avais fait sur Twitter, je pense, t'as lancé ça. C'est clairement pas moi qui l'ai inventé. Fourride. Oui. Il y a des grandes chances qu'on soit juste nous cinq aussi là, à ce prochain broadcast. Non, non, non. Le podcast à Corneliu va être regarde, là. On va être huit. Mais juste avant ce broadcast, on va aborder plusieurs problèmes. Oui. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec le problème de Joël Osho. Et tu vas nous lire, hein, Martin? Oui, alors, elle nous vient de Joël Osho, comme tu l'as dit, Frédéric. Comment convertir mon amoureux au végétarisme et lui faire manger des légumes et du tofu? Un problème qu'on a reçu sur c'est un problème. Twitter. Twitter, ah, c'est ça sur Twitter? Twitter. Oui. Okay. Twitter. C'est @ Joël Osho. Donc, bon. Toi, Joseph. Oui. Oui. Oui, c'est pour ça que je suis là. Donc, avec ton teint blême, là. Non, je te gâche. Mais t'es végétarien? Oui, je suis végétarien depuis un an environ. Un an? Ouais. Okay. Donc, je suis pas une sorte de... Je veux dire, t'es pas un gourou. Non, je suis pas un gourou. Et je crois que la première règle du végétarien consciencieux, c'est ta gueule. dans le sens que il y a cette blague récurrente qui est « Hey, comment tu sais que quelqu'un est végétarien? » Il va te le dire. Ouais, ouais, ouais. Et je crois que la moralisation excessive des végétariens ou des gens qui considèrent qu'ils ont une attitude éthique par rapport, à la nourriture ou à l'environnement ou quoi que ce soit, le problème, c'est qu'ils irritent leurs amis avec une sorte de « je suis plus moral que toi ». Ouais, ouais, ouais. Et je crois qu'il est important de juste être. De ne pas manger de viande, mais de fréquenter ses amis et que lorsqu'ils te tendent une perche... Ou qu'ils t'invitent à un podcast. Oui, ou qu'ils t'invitent à un podcast, là, tu peux dire « Ah non, je ne mange pas de viande ». Et si la matière reste close, ne pas exagérer dans cette matière non plus et jusqu'à attendre qu'ils, eux, stimulent le questionnement qui va mener à toutes les justifications éthiques pour ne pas manger de viande, c'est-à-dire le fait que c'est une industrie corrompue de A à Z, que c'est des employés qui sont maltraités, il y a beaucoup de blessures et même de morts, que les animaux vivent dans des conditions horribles et qu'ils sont tués de manière très maladroite, les engrais utilisés polluent énormément. Tu sais que mon père est boucher. Mais mon père aussi, monsieur Jacques Olimel. C'est un podcast de boucher. Non, c'est en fait Jean-Philippe, ancien podcasteur. Oui, c'est aussi vrai. Son père est boucher. Oui. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais le truc est que malgré que j'ai une intolérance générale pour, disons, tuer des animaux qui sont encore capables de ne pas vouloir être morts, disons, j'ai moins contre le boucher local ou la personne qui cultive ses œufs, mais qui fait pondre ses œufs par des poules qu'elle a. Oui. Parce que c'est vraiment pas la même chose que l'industrie de la viande qu'on connaît dans les supermarchés et qui mène généralement à une logique, La production industrielle. Oui, oui, j'ai l'impression d'être au cégep en disant ça, là, mais disons, le capitalisme qui fait en sorte qu'on a besoin d'un plus grand nombre d'animaux, le plus gros possible, dans un plus petit espace possible. On n'est pas au cégep. Je sais, je sais, j'ai dit, c'est pour ça que j'ai l'impression. Oui, ça fait longtemps le CG. Et Joseph, quand tu dis que l'industrie est corrompue de A à Z, c'est donc que tous les animaux que l'on peut manger, soit l'alouette ou le zébu, ils reçoivent des enveloppes brunes. Ils reçoivent des enveloppes brunes contenant de la moulée. Non, je dis que le processus de je dis que le processus qui mène à manger de la viande ou à en acheter est complètement, il est composé de ces embûches morales, malgré le fait que ce soit bien agréable de commander ou d'acheter puis que tu n'as pas l'air violent du tout. Là. Tout à fait. Moi, j'ai une question pour toi. Es-tu ovo-lacto-végétarien? Non. Moi, je suis un végétarien qui penche même vers le flexitarisme. Et c'est mon deuxième conseil. Oui. C'est éviter le dogme. Okay. Parce que le dogme, je suis juif, puis quand j'étais jeune, je mangeais cachère dans le but de respecter ça. Puis l'interdit crée beaucoup d'envie, je crois. Ouais. Et quand on se dit que cette nourriture m'est interdite, elle deviendra de plus en plus tentante. Lorsque je suis, par exemple, avec ma copine, il faut créer ces petits moments spéciaux où elle peut se dire « Ah, je suis la seule avec qui il mange de la viande ». Et donc, s'il y a ces petits moments-là où c'est comme « Ah, des moments de transgression », elle pourra savoir qu'on ne la juge pas, elle, nécessairement, et qu'on peut être genre... on peut avoir ces moments de petite folie viandée et peut-être plus tard la faire croire... Mais c'est quoi, disons, pour toi, une petite folie? C'est-tu un... C'est un gros burger. C'est un pogo. Ah ouais. Non, mais la petite folie est souvent dans le cas d'une ébriété, donc elle est difficile à se souvenir. Okay. Mais c'est vraiment la notion de... Il n'y a pas de dogme, c'est-à-dire que je ne mène pas à une sorte d'allergie totale face à la notion de la viande. Mon idéologie, c'est que je n'en achète pas, mais qu'en présence d'une femme que j'aime, je peux dire... Pour toi, exception, chérie. Oh, parce qu'il y a plusieurs, types de végétariens. Ovo-lacto-végétarien, c'est inclut les œufs, les produits laitiers, tout ça, le miel. Lacto-végétarisme, c'est plutôt le végétarisme indien. Je lis Wikipédia. Hein. Ça peut nous aider à faire des gâteaux, cette façon-là. Je crois que plus tu avances dans ce végétarisme, végétalisme vraiment, excessif, plus tu dois être très, conscient et allumé constamment par rapport à ce que tu manges, ce que je ne suis pas. Je travaille en ce moment dans un endroit où il y a comme juste une cafétéria qui ne prend pas débit ni crédit, mais je ne traîne pas d'argent avec moi. Et à chaque jour, je me questionne sur ce que je vais manger parce que je suis malhabile dans ma planification. sais, tu peux mais nous proposer des problèmes sur Facebook, sur Twitter. Oui, cette malhabilité. Pas là. De problème, c'est ça. Voilà. Vous avez un problème. Non, mais c'est cette notion qu'il faut absolument planifier sa nourriture lorsqu'on devient ce genre de végétalien ou de végétarien extrême. Parce que moi, je me laisse beaucoup plus à l'improviste et manger des choses malsaines qui ont tout simplement cette caractéristique de ne pas avoir de viande dedans. Mais, exemple, si de la plasticine. ou, ouais. Mais je me permets de continuer parce que ça s'en vient absurde ici. Ben, les végétaliens, on connaît ça. C'est, je veux dire, pas d'animaux du tout dans la conception. Mais il y a le fruitarisme qui consiste à manger que des fruits, noix, graines et matières végétales. Ouais, moi, je fais ça, moi. Après ça, il y a les crudivordismes. Consiste à ne pas chauffer la nourriture à plus de 48 degrés Celsius. Moi, je fais ça aussi, moi. Donc, non, mais ça va loin. Mais c'est intéressant par rapport au isme. C'est-à-dire que quand on qualifie quelque chose de isme, on lui attribue une sorte de notion péjorative d'idéologie, disons. Mais les gens qui mangent la viande se considèrent comme carnivores ou omnivores ou peu importe. Mais j'ai lu un livre intéressant de Melanie Joy qui s'appelle Why We Eat Pigs, Wear Cows and Love Dogs. Et qui explique que la philosophie qui accepte qu'on mange de la viande, on devrait la nommer, et elle le nomme le carnisme, j'imagine, en français. Puis la notion, c'est que je crois que pour gagner une lutte en général, il faut gagner aussi la lutte lexicale. Et si on est capable, disons par exemple, d'attribuer à un terme une notion péjorative ou de la mettre à égal avec nous dans « Ah, t'es végétarien, mais oui, mais toi, t'es carniste », on est capable d'être vraiment plus sur une base égale quand on s'entretient avec quelqu'un qui décide de tuer des animaux violemment tout simplement pour avoir un goût plus agréable dans sa bouche pendant 20 secondes. Mais si on ramenait là, la thématique de couple, là, la fille, elle veut convaincre son amoureux. Est-ce qu'il y a des moyens de l'initier aux fruits et légumes? Est-ce que c'est, par exemple, d'intégrer des carottes dans une routine de jeu sexuel ou de ne laisser que du ballonné avarié dans le frigidaire? Donc, t'as vu ta viande? Ben, garde, elle va goûter pas bonne. je crois que tout d'abord, il faut éviter des jeux de mots de marde du genre « je mange pas de viande, mais je mangerai ta chatte » ou genre « mange donc ma graine parce que t'es végétarienne ». Oh! Ça marche pas, tu penses? Non, je crois pas. Je crois vraiment pas que bon, ça marche. Je vais rayer ça. mais ceci dit, je crois que c'est juste une question d'habitude. Si tu manges ensemble puis que tu magasines la nourriture ensemble, il va y avoir des habitudes qui se créent. Et je crois que le tout est dans la non-violence et la non-agressivité, et pas nécessairement imposer un sac d'épicerie à quiconque, mais d'être particulièrement fier du sien, je crois. Mais toi, tu as parlé de ta copine, est-ce qu'elle mange, elle est pas végétarienne? Non. Et puis, est-ce que tu as... Mais il y a une ambition végétarienne, par exemple. C'est ça, il faut de sentir plus en plus, un peu. Il y a la notion qu'il y a la possibilité d'éventuellement se convertir, si on peut appeler ça se convertir, au végétarisme et d'arrêter de manger de la viande. Mais la viande n'est pas nécessairement un élément si récurrent parce qu'on mange des trucs similaires. Mais si le chum de Joël, justement, a une petite fibre environnementale, c'est sûr qu'elle peut aller jouer là-dessus parce qu'il y a... Vraiment? Oui, absolument. On connaît les effets dévastateurs de la culture de la viande, si on peut le dire, sur l'environnement. Je ne me rappelle plus effectivement des termes ni des mesures, mais par exemple, il faut 8 fois plus d'engrais à utiliser que... Oui, on lève les mains dans la salle. En fait, ce serait commencer par du bio. Avec la viande bio, vu que de un, elle est meilleure qualité et moins dommageable pour l'environnement, et aussi elle est meilleure pour la santé, mais elle coûte plus cher, fait que tu en manges moins souvent. Puis comme tu en manges moins souvent, ben, les autres jours, tu apprends à cuisiner plus végétarien, fait que tu fais une transition. Transition en commençant par le bio. C'est délicieux. Oui, c'est délicieux. Moi-même, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui cultive. Mais de la viande. Par contre, si... Oh, excuse, vas-y. Non, non, non, je suis désolé, je ne veux pas interrompre. Mais c'est que c'est intéressant quand on commence à développer une sorte de... cette notion qu'on veut, par exemple, il y a des restaurants qui s'appellent Chipotle, je ne sais pas si c'est une chaîne qui est ici, mais elle était à Toronto. Eux, c'est vraiment juste de la viande qui, comme on peut voir sur des vidéos, sur leur site web, etc., c'est de la viande qui est élevée de manière éthique, supposément. Et je crois que... Ils ont des parcs pour animaux. Ouais, ils ont des podcasts pour animaux. Non, mais dès qu'on commence à développer la notion, disons, du confort de l'animal, de la vie de l'animal, et qu'on veut améliorer son sort avant qu'on le tue quand même cruellement parce qu'on aime bien l'avoir dans notre bouche, on est sur une pente positivement dangereuse, je crois. C'est quoi le film déjà avec, comment qu'elle s'appelle? Bacon. La fille qui joue dans Homeland? Monstering. N'importe quand. Roméo et Juliette. Vous, comment? Claire Danes, merci. Il y a un film, non, mais elle a fait un film où elle joue une autiste qui est. Ça? Greer Gardens. Oui, c'est ça. Et, non, non, mais en fait, c'est une histoire vraie, bon, aussi vraie qu'on puisse l'être au cinéma. Oui. Mais d'une autiste qui a repensé la façon d'abattre les animaux pour que ça soit moins cruel. En tout cas, vous irez voir ça. OK. Mon Dieu. C'est quoi les techniques, par exemple? Ben, en fait, le chemin qu'ils vont faire, habituellement, c'est ça. C'est tout un mouvement naturel, le réconfort, le rétrécissement des murs qui vit. En tout cas, c'est je l'ai vu une fois seulement, là, je ne l'ai pas étudié. Ouais. Dans le fond, il faudrait que chaque vache meure peut-être au bout d'un crime passionnel. Juste là, tu peux la manger. Juste là, tu peux, si tu l'as aimé et tué, puis que tu t'es dit, si personne d'autre peut l'avoir, moi, je peux pas. En tout cas, non, c'est pas ça. Hein? Ou ouais. Si les vaches mangent un de tes enfants, là, c'est donnant-donnant. Oui, c'est donnant-donnant. Ou manger juste des animaux méchants, genre du loup, du loup-garou. Du requin. Ouais, hey, ça, c'est méchant, requin. Puis, tu sais, du maudit chihuahua pas smart, là. Ouais. Mais, tu sais, aussi, là, on se dit souvent, tu sais, il faut humaniser, tu sais, il faut qu'ils soient heureux pendant leur vie. Mais, tu sais, à la limite, là, si on fait de leur vie un enfer, là, la mort n'est qu'une libération pour les vaches. Ben oui. Mais la mort n'est pas... je veux dire, je sais pas quoi dire à ça. Parce non, mais que en fait, qui sommes-nous pour décider de ça? C'est plus ou moins justifiable de dire, oui, on l'a torturé longtemps, mais au moins, on l'a tué à la fin. Ouais. OK. Moi, je pense que ça, tu sais, elle va voir la mort comme une libération, tu sais. Mais une solution possible, selon moi, c'est genre les lundis végétariens. Ça existe déjà, je pense, des affaires comme ça où... Ouais. Ouais. Non, c'est pas ça le mien. C'est pas. Non, mais c'est pas ça que je voulais moi. Les lundis. Lundi des AA. Non, mais choisir une journée dans la semaine ou du moins se faire un repas par semaine végétarien, explorer les affaires, puis s'arranger pour que ce repas-là, c'est celui que ton chum préfère. C'est cool ça, ouais. Et là, bon. Coup après coup, tu fais bon, mais t'en ajoutes, puis là tu fais, hey, on peut faire une. On essaie-tu une semaine? Ouais. Puis là, de peu à peu, ton chum. Ouais, que ça devienne une sorte de plaisir esthétique c'est plutôt ça. Qu'une sorte d'imposition idéologique. Mais c'est la notion que comme faut pas heurter la chose, faut pas vraiment faire comme hey, à partir de maintenant, t'arrêtes totalement de manger de la viande parce que c'est quelque chose que t'aimes mais qui est mal, mais on fait comme hey. Ouais. On a dans la salle. Oui, l'idée, d'abord, le but c'est que la personne, ta conjointe, ta blonde, ton chum, tu veux qu'il mange moins de viande industrialisée. Fait que si elle peut être anorexique, mettons, il mange pas beaucoup. Très bon. Donc, je dirais que t'es rendu gros, puis tu inciter son chum à devenir anorexique. Hey, ça se fait. Là. Ou juste faire, tu sais, une bière, c'est un steak. Donc, à chaque bière, c'est fait une bière poêlée. Non, mais prêcher par l'exemple, là, comme on le voit, Joseph, t'as vraiment une belle taille de guêpe. Regarde-moi, chérie, si tu veux être comme moi. Mange la même chose. Si tu veux être digne de moi. Moi, c'est vraiment pas, hygiénique ou alimentaire, là, ma nutrition. Là, c'est vraiment la notion que j'ai juste, disons, coupé la viande. Fait que tu te bourres d'un bin, mettons. Ouais, des pizzas. Là, ils mangent juste des Fruit Loops. son plat préféré, c'est la poutine, lasagne et chocolat. Ou sinon, peut-être s'adonner au menu que Mathieu a élaboré dans un podcast précédent qui est composé de dansure. Oui. De cœur à la cannelle. Oui. Et je me rappelle pas du troisième. C'est quoi le troisième? T'es un vrai fan, Martin. Oui, oui, je suis un peu là pour ça. Là. Je mets au défi les vrais podophiles de mettre c'est quoi le troisième ingrédient sur le groupe Facebook. Peut-être la saccharine. Est-ce qu'il y a un prix à gagner pour la personne qui le découvre? Oui, le livre à Frédéric. Là, oui. On ne sait plus quoi faire avec. Fait qu'on continue d'étonner. Mais lequel? Celui sur Gladiateur ou comment? Non, non, ça c'est François. Hey, c'était bon comment en passant? Est-ce que vous l'avez lu? De quoi? Oui, on l'a lu. On l'a lu d'ailleurs, mon bout de préféré, c'est. Attends un peu. On me l'a dit à l'oreille. Gonzalez Pinson! C'est la première phrase. Non, j'ai particulièrement aimé l'ambiance dans l'hôtel. Ça, c'est juste pour prouver que, comme, hey, le j'ai bout de dans l'avion, générale, là, tu parles. Oui, là. Oui, oui, oui. Moi, j'aime le bout dans l'avion, moi. Oui. Hey, j'allais dire au sujet du végétarisme, là, les chaînes de restaurants commensales, hein, ça ne va plus du tout. Commensales, donc? Ben, justement, la pub de flexitarisme a été ridiculisée par tous les médias. Merci. Également, on m'a dit, moi, j'ai jamais mangé là, mais que ça coûte très cher et que ça goûte pas full bon. C'est vraiment cher. C'est pas vrai que c'est pas si mauvais, mais c'est vrai que c'est cher. Tu payes au poids. Fait que, si t'as envie de manger un pâté chinois, watch out ton portefeuille. Hey. T'es mieux de manger une. Si t'as envie de manger des pois. Hey. Ouais, si t'as envie de manger de la roquette, t'es correct. Là, mais... Hey, des épinards, là, Chris, si ça te fait grossir les muscles, là, c'est que c'est lourd. Non. Non, Mathieu. Canne dans sur, cœur à la cannelle. Et l'autre, c'était quoi, là? Ah, de la bière, t'es. Quand est-ce qu'on va parler du quinoa? Hein? Quinoa le droit! Quinoa! Non, non, mais aujourd'hui même, j'en entendais parler à la radio comme quoi c'était l'aliment, on appelle la céréale le viande. Le plus mauvais, c'est ça? Ouais. Non, ça goûte pas grand-chose, moi. C'est clairement le Sex and the City des légumineuses. Non, non, mais... tout le monde en parle. C'est pas une légumineuse, bon. C'est... C'est genre... c'est une graine, là, je sais pas trop. Non, non, c'est une céréale. Ça, c'est drôle. Hey, c'est un bon, c'est une céréale qui pousse vraiment une place de marde. Où ça? Ouais, non, non, mais je parle pas du pays nécessairement, mais ça pousse en hauteur, à des endroits où il n'y a rien d'autre qui pousse vraiment, tu sais, dans le froid, il y a des radiations du soleil. Bref. Ça a trouvé comme son avantage compétitif pour bien. C'est ça. Mais il paraît que si on remplace, je sais pas moi, le riz ou les patates avec ça, c'est pas une bonne idée parce que c'est trop de protéines. Donc, faites attention. Il n'y a pas tant de protéines dans les patates. Mais ce que je veux dire, c'est si tu deviens pas végétarien, mais tu commences à remplacer tes patates ou ton riz par du quinoa, mais là, c'est comme si tu mangeais trop de viande d'une shot, tu comprends? Mais on peut jamais manger trop de protéines. Au pire, c'est que ton urine va être un peu plus bobli dans la toilette, ça c'est vrai. Ça fait plus de brou. Ça, c'est depuis que tu prends tes protéines Popeye. Des chèques de protéines, oui. Oui. Mais, OK, bon, j'avais une solution. Trop féculent, peut-être trop féculent que tu parles, je sais pas. Comment? Peut-être c'est plus calorique, le quinoa. Peut-être c'est ça. Non, mais je crois, c'est vrai qu'il y a des protéines. Oh, oui. C'est protéines. C'est comme du soya, en fait. Non, c'est du quinoa. Non, mais... Arrêtez! En termes de protéines. Il n'y a rien qui se compare. C'est comme de la viande qui pousse. Mais, écoutez, j'ai une autre solution possible. C'est une de mes solutions préférées pour plusieurs problèmes. C'est le carnet de pipe. Donc... Joël donne un carnet de pipe, oui. Et à chaque semaine de qui reste végétarien, ben il peut utiliser. T'as-tu mangé ta laitue? Une pipe. T'as-tu mangé tes tomates? Une pipe. T'as-tu mangé un cheval? Une pipe. Mais pas moins. Mais est-ce que, disons, la gradation sexuelle, elle peut aller avec l'intensité du végétarisme et du végétalisme? Ben, c'est à toi de faire tes règles. À un moment donné, si tu cultives du quinoa, t'as le droit à un trip à trois. Si tu, chacun son échelle. Si tu fais un jeûne pendant une semaine et puis que t'as rien tué dans la vie, tu fais comme une sorte d'orgie avec des amis. Si tu regardes pas des animaux, c'est ça. T'as mangé une gousse d'ail? Ben, je t'embrasse pas. Tu sens une mauvaise haleine. Mais t'as fait quand même ta pipe. Pipe. Mais le poisson dans tout ça, là, Joseph, là, on parle de viande. Toi, où tu situes par rapport aux poissons? Ben, le truc, c'est que ce que j'ai lu et ce que j'ai vu apparemment, parce que j'essaie de me documenter quand même, c'est qu'il y a des études qui prouvent que le poisson souffre quand même lorsqu'il est tué. Mais moi, ça va plus avec les animaux marins en général, et c'est une sorte de boycott de la surpêche, mais aussi de la destruction du sol marin. C'est-à-dire que les techniques de pêche sont vraiment peu éthiques, puis détruisent le sol marin. La pêche au chalut de fond, hein, qui est une méthode dévastatrice. Chalut. J'étends mes connaissances, permets-moi, Joseph. Si tu dis chalut comme chalut, ça fait chalut de fond. Ouais. C'était fond. Chalut. Voilà. Chalut. Ouais. Un bon chalut de fond. Chalut! Hey, il est dans le fond. Ouais, oui, vrai. OK, oui, je comprends, mais mettons, si tu vas à la pêche, ou si, mettons, moi, je vais à la pêche et je te ramène une bonne truite que j'ai pêchée moi-même. Ben moi, je veux dire, je vais pas nécessairement manger la truite que t'as pêchée toi-même, mais dans le sens que moi, j'ai toujours ce fantasme que, hey, à un moment donné, je vais rencontrer un moine dans un pays étranger, puis moi, je vais être un ambassadeur important, puis s'il m'offre de la viande puis que je la prends pas, ça va être une sorte de conflit diplomatique, fait que je vais être obligé de la manger. Dans ce cas-là, je me dis... Ou d'y faire une pipe. Oui, exactement. Non, mais s'il y a choc de culture, s'il y a frustration et insulte par le fait que je mange pas la viande de quelqu'un d'autre, je ferai l'effort, mais en général, je tenterai de l'éviter, puis je dirais comme, moi, je mange pas de viande, puis il y a toujours une option végétarienne possible. Joseph, la viande qui pousse en laboratoire, ça t'intéresse-tu? Par exemple? Ben, ils font de la culture de viande avec des cellules souches. Oui, okay. Ils prennent de l'ADN de Babe, le petit cochon, puis ils en font des chops de porc. Ouais, ils font du bacon dans des éprouvettes. Ils cherchent ça là, en ce moment. Ils sont là-dessus, même que ça a été fait, mais de là... Comme ça, tu sauverais sur le... Oui, faire un steak, mais créé en laboratoire. Donc, tu sauves sur le transport. Ou, imagine, là, dans un monde merveilleux, t'as, je sais pas... Oh, en haut de ton four micro-ondes, tu as une autre petite machine qui ressemble à peu près. Puis là, tu fais pipou, pipou. Puis là. Cinquième élément. T'aimes beaucoup le cinquième élément. Pas tout. Le steak se pousse. Je suis désolé, mais Lilou, elle fait ça dans le cinquième élément. Pour vrai? Oui. Et précédemment, dans un autre épisode, elle avait parlé des gens qui dorment. Mais je ne me rappelle pas du bout là. Moi, je me rappelle plus du bout. Elle met une sorte de petite pilule. Oui. Elle fait les mêmes sons que tu viens de faire. On ne parle pas de pilule. Elle parlait comme ça. Et elle sort à une sorte de steak. C'est malade. Pour vrai? Oui. Je m'excuse. Je ne me rappelle pas du bout là. Je me rappelle du bout où on sort des briques de la chanteuse. Mais pas de ce bout là. Non, Luc Besson t'habite plus que tu ne penses. OK. Non, mais au-delà de ça, moi, je pense pas qu'on parle là, de déshydrater de la viande au point qu'on va la faire gonfler dans un four micro-ondes. Mais je pense non, vraiment qu'on la récrée en c'est laboratoire. Ça fait pousser la fourrure. La chimie, à la limite, t'achètes chez vous ton kit de chimie, t'as fait un T-bone. Check, ça va être ça, la finale des chefs. C'est clair. Tu penses? Ouais. Mais si on est capable d'éviter la souffrance animale puis qu'on crée une sorte de nourriture qui est agréable au goûter, pourquoi pas? Ça va? T'as les culottes collées? Je faisais mettre du sang dans mes fesses. Je croyais que je l'avais fait. J'ai du sang dans mes fesses. Je suis assis depuis non-stop, moi, depuis le début. Sur vegplanet.com, on donne 400 raisons. Alors, on va commencer tout de suite avec la première. Non, mais la 61e, c'est écrit « Un végétarien coûte 25% moins cher à la société en termes de coût médical. » Oh! Mais est-ce qu'il économise? Est-ce que c'est plus économique d'être végétarien? En voilà un bel argument. Non, parce que t'as des principes, puis là, ça te coûte plus cher. Mais non, mais mettons... non, mais Joseph, je te pose la question, est-ce que tu as fait des économies depuis que tu es végétarien? Non, pas du tout. Mais comme j'ai dit, moi, c'est vraiment pas un choix économiquement éclairé ou même une sorte de bon choix de vie pour mon corps. C'est vraiment juste, éthiquement, j'ai décidé d'arrêter de manger de la viande. Je parle en fonction de... Là, on cherche... Parce que là, on parle pas juste de toi, Joseph. Ouais. On parle c'est aussi, sûr, c'est économique. On parle aussi de trouver des solutions à notre citoyenne qui est en détresse, qui cherche des arguments pour convaincre son chum de ce qu'on... Donc, je dis, peut-être que l'argument moi, de lui dire « Hey, tu vas sauver de l'argent », c'est pour ça. Est-ce qu'on sauve de l'argent ou non? Ben, c'est sûr, c'est rendu 8$ une maudite poitrine de poulet chez Le Blaze. Des raisins, c'est quoi 2$? Du quinoa, c'est pas 5,99$. Ça, moi, te le dis, c'est pas moi qui vais acheter ça sur le temps. Non, mais sans blague, non, Joseph. Je crois qu'il y a moyen de se nourrir sans que ce soit cher, mais moi, je suis quelqu'un qui mange énormément à l'extérieur, donc je peux vraiment difficilement donner des conseils d'épicerie. Je suis désolé, malgré que j'ai été à l'épicerie. Mais toi, Joseph, ton point de vue sur les insectes? Difficile à dire parce que tout est vraiment basé sur la notion de la capacité de souffrir et de ressentir la souffrance. Est-ce qu'un insecte souffre? Je crois pas. Donc, j'aurais de la misère à me prononcer là-dessus. Mais je veux dire, c'est d'un point de vue pratique, c'est pas quelque chose qui a une réelle importance dans notre vie. Ouais, mais quand même, qu'il souffre pas beaucoup. Vaut-tu 350 te faire un tourne-dos? Un bon tourne-dos de sauterelle, là. Hey. Mais si tu inventes la machine à te rapetisser comme dans Chérie, j'ai réduit les enfants. Ouais, attention aux chiens. Non, mais à grosse fourmi. La grosse fourmi. On peut, en termes de nourrir la planète, si on se nourrissait aux insectes, on pourrait quand même. C'est quand même une source de protéines non négligeable. Et on pourrait nourrir plus d'une fois notre planète. Ben, ça pourrait probablement être une alternative intéressante, mais en tout cas, moi, je pourrais pas me prononcer sur la souffrance. Fait partie d'un déjeuner équilibré, au même titre que du Nutella. Mais il y aurait probablement le même problème de production d'insectes. Mais quand c'est une mouche à fruits que j'ai chez nous en ce moment... Les insectes se reproduisent un peu industriellement, non? C'est vrai. Oui, puis à nous, l'apocalypse, là, qu'est-ce qu'ils nous promettent, là, des ténèbres et des sauterelles? Ouais. Ça s'en vient, là. T'es sûr que c'était pas des ténèbres et des pretzels? Ah, ta Bible allemande. Ouais. Des schnitzels dans ma Bible allemande. Bon, hey, avez-vous des solutions préférées sur le végétarisme? Merci. Pardon. Ouais, on en a parlé beaucoup, quand même. Sauf qu'on l'a pas aidé ben. Ben, écoute, j'ai dit carnet de pipe. Carnet de pipe, c'est ce que là, tu veux là, on a scoré fort. La journée sans viande. Moi, je crois qu'il faut le faire doucement. Doucement. C'est le présenter comme genre son alternative sympathique sans dire comme « Hey, t'es conne de manger de la viande. » Et t'es con, en fait. Oui, c'est sûr. Non, mais ça, oui, ça, je suis... Mais mettre des articles, laisser traîner des articles avec des statistiques, justement, qui évoquent la souffrance des animaux, comme vient de Joseph. Tu laisses traîner ça un peu partout. Animal Liberation, qui est un livre fort intéressant de Peter Singer, qui a aussi écrit The Ethics of What We Eat plusieurs années plus tard, qui suit trois familles différentes et leur façon de se nourrir et qui juge de la qualité éthique de chacun. Super intéressant. Sinon, le livre de Melanie Joy, que j'avais mentionné plus tôt. Moi, je suis quelqu'un qui me change beaucoup mes habitudes par rapport aux lectures que je fais, disons, pour m'instruire. Je crois que la lecture peut être intéressante si le copain en question lit. Laisser traîner des livres. Ouais. Pavlov, tout simplement. Tu sais, des petits chocs pendant qu'il mange de la viande. Ouais. Pavlov. Puis tu sais, s'il lit pas, tu laisses traîner des safarirs, mettons. Puis là, après ça, une fois qu'il a pris goût au safarir, bang, une bible sur la végétarisme. Ou entre deux gags là, de gadouri. Là. tu mets des pages du livre. Fait que là, il veut savoir la suite de l'histoire. Il te veut le livre. Chose certaine, faut vraiment pas commencer à comme « Hey, on arrête de manger de la viande et on commence à manger des insectes. » Je crois que ça, c'est comme à éviter. Je crois que ça serait une transition désagréable. Ouais. Mais associer ses intérêts à notre cause, là, genre, je sais pas moi, c'est un fan de... Skateboard. De hockey, mettons. Hein? Mettons de hockey, là. Ouais. OK, ben moi, j'ai rien à dire là-dessus parce que je connais pas le hockey. Georges Larac. Georges Larac. Mais mettons, c'est un fan de lutte. Georges Larac. Non. Daniel Bryan. Non, mais tu y mets des poireaux dans son saut de lutte? Je sais pas, mais... Où tu vas en venir avec ça, Fred? Ben, je voulais trouver quelque chose d'autre que le carnet de pipe. C'est notre solution préférée à tous, ben oui, Fred, tu l'as trouvé, pourquoi tu cherches encore? Bon, carnet de pipe. Moi, j'y vais avec le carnet de pipe aussi. Oui. Ou a dit, quand on mange du végé, c'est moi qui fais la vaisselle. Oh! Tout simplement. Ouais. Du végécel. Oui, stimulation génitale. À chaque fois que tu manges de l'humus, je te caresse un peu les testicules. Non, mais ça ramène à ce qu'on disait tantôt. Ben ouais, c'est ça. Servir au carnet de caresse, là. Ouais. Carnet de caresse. Ouais. Non, mais vraiment associé pendant qu'elle mange des légumes, envoler sur Twitter. Tu lui caresses, annulingus. Ouais. N'oubliez pas que c'est le chum qu'elle veut rendre végé, là. Ah oui, c'est ça. À un moment donné, il va assister ça, puis il va faire bang et maudit que c'est bon Pavlov, de Baba Ganouche. Tu lis ton safari, tu te fais faire une pipe. Monsieur. Oui. Sur Twitter, on en a. Non. Marie-Ève Landry qui a écrit « En cuisinant bien ». Denis Blanchette a écrit « Lui faire la cuisine ». Je pense qu'il y a quelque chose là-dedans. Ouais. Il y a « Autopublication », c'est ça son nom? « Avec amour faire... ». Il y a Geneviève qui est dans la salle, qui nous écoute pas, mais qui tweet. « Faire comme avec les enfants, avec plein de beurre, sel, sauce et dire bravo oui. après ». Oui. « Fait vécu avec son chat ». Ah, quoi? Se faire vider le cul avec son chum? Oui, wow. Il faut plus de détails. 140 caractères ne suffisent plus. Non, c'est écrit « fait vécu ah. ». Antoine Bouchard a écrit « Pourquoi quelqu'un ferait ça? Le végétarisme, c'est mal, ça tue des plantes. » Annie Roy a écrit « Pauvre gars! » Est-ce qu'elle parle de moi? Non, elle parle du chum. Non, du mec, elle entend le podcast, ça va se dire « Pauvre toi! » Vincent Saint-Nom, avec toi, l'éloigner de toute viande, l'empêcher de faire l'épicerie et à un moment donné, il va avoir assez faim qu'il va en manger. Donc oui, c'est ça, le privé de bouffe. Puis là, justement, là, tu peux passer directement aux insectes. Mm. C'est la technique du prisonnier. Oui, c'est ça. Bon. Il faut jamais tenter de convertir son amoureux. Ah, ça c'est Dom Cyber Six qui écrit ça. Jamais convertir son amoureux. Très c'est une bonne bien. Question. La planète Twitter est en délire. Ouais. Twitter est en délire et c'est un peu grâce à Trois-Bières qui nous ont reposté merci. Notre problème sur Twitter. Merci wow, à Trois-Bières. Merci à vous autres. On merci. Les salue et on vous invite à les écouter sur baladoquebec.ca et sur iTunes. Hein? Bon, d'ailleurs. Cas, oui. D'ailleurs, la semaine prochaine. Oui, on peut commencer. C'est une prochaine solution préférée. Ben oui, c'est ça. On va dire nos solutions préférées. OK, allez, nos solutions préférées. Hey, moi, j'ai de pipe. Carnet de pipe. Non, moi j'en ai deux. J'hésite entre le combat lexical, les arguments scientifiques en faveur du végétarisme ou se faire vider le cul avec son chum. Joseph? Moi j'irais pour soit le carnet de pipe, soit vraiment la notion de la transition tranquille. La transition tranquille, moi aussi j'aime ça. Et si vous en avez, vous, des solutions préférées, allez sur Facebook, Twitter ou toujours nous écrire par courriel à podproblème@gmail.com. Oui, tout à fait. Et nous envoyer vos problèmes aussi. On a besoin de vos problèmes. Exact. Et n'oubliez pas, vous pouvez stouler les autres. Vous connaissez quelqu'un qui a beaucoup trop de problèmes? Stoulez-nous ses problèmes à cette personne-là. Oui, alors notamment la semaine prochaine, hein, un problème qui nous sera résolu en compagnie de... Résolu, ça se dit pas résolu, en compagnie de notre ami Louis Courchesne. Donc, ça va être comment fait-on pour rendre un hold-up plus agréable? Oui. Pour qui? Pour tous. Ah, il va falloir que t'écoutes le podcast. Pour le caissier. Et c'est Julien Blouin. Ainsi que, n'oubliez pas de nous donner un don si vous appréciez ce qu'on fait et ça vous tente. Vous n'êtes pas obligé, là. Vraiment pas. C'est vraiment... Non. En même temps, si on vous obligeait, comment on ferait? Donc, allez sur l'instable.com, l'instable, pas d'apostrophe, et cliquez sur le petit piton PayPal. Et puis, même si c'est juste 99 cents, si vraiment tous les auditeurs de Pas de problème donnaient 99 cents, on serait rendu à au moins 18 piastres. Là, oui. Non, mais c'est comme une toune. 1,29 maintenant, non? Oui. Mais le don minimum, pour nous, ce serait une centaine de dollars. Une centaine de dollars. Sinon, n'oubliez pas de voter pour nous sur iTunes et sur Balado Québec. 5 étoiles ou rien, on vous le rappelle. Et si jamais vous voulez vous procurer un T-shirt de Pas de problème, T-shirt. Tel que réalisé par Andy Boucher, rendez-vous sur MrDressUp.com pour passer la commande. Et si jamais vous voulez des autocollants ou des affiches, oui. de Pas de problème, venez nous voir directement ici au passage et prenez-en un, ils sont sur la table. Et encore une fois, un gros merci à notre traiteur qui nous a servi un succulent. Je connaissais pas ça, moi, ce mets-là. Mathieu, tu me dis que c'était... Oui, je vous en parle aujourd'hui. C'est Daniel Vézina de l'émission Des Chefs qui a pris 5 minutes pour venir nous faire des beurrés de beurre de peanut. Oui. Ah, c'est... OK, c'est oui. ça. C'est... Ah, c'est ça du beurre de peanut. Puis il a levé ses mains, il a fait « Mangez. » Ouais. Je vous dis que la bière va être bonne. Et ne manquez pas non plus le 13 août prochain, nos prochains enregistrements de Pas de problème, suivi du party de broadcast. Alors, tous les gens qui écoutent des podcasts et qui font des podcasts sont les bienvenus, et même les autres. Au menu, on va faire la bascule à Christiane Charrette. Yes! Elle fait pas de podcast. Vraiment, arrête ça. La bascule. Oui. Et aussi, sur Petit Gamin, le petit Gamin, Joseph, c'est toi ça? Non, plus maintenant. Non, plus maintenant. Ça l'a été. Oui, mais on peut encore en voir, on peut aller les voir. Dans le sens qu'ils existent encore sur ces sites web-là, mais moi, je ne fais plus trop de petit Gamin en ce moment. Mais qu'est-ce que tu fais? Sur quoi tu travailles en ce moment? En ce moment, ça dépend de la date à laquelle cette émission est diffusée. Attends, je te le dis exactement. 26 juillet. 26 juillet, j'aurais eu mes spectacles au ZooFest. OK. J'avais le show web qui s'est super bien déroulé. on aurait dû en parler dans les semaines passées. Hein. Des dates qui sont désormais impertinentes. Ouais. Et sinon, je m'en vais dans quelques jours en Finlande pour un projet photo. Mais sinon, la vidéo, y en a moins officiellement. Là. Mais tu fais beaucoup de photos aussi. Quand même. C'est un contrat photo. Où est-ce qu'on peut voir tes photos? Sur mon Facebook, en fait, tout simplement. Ou sinon, sur le site web elfaci.ca. Allons-y. Si vous le voulez. C'est facile. Et merci à Boily Boileau, le bar Les Passages et baladoquebec.ca. Merci à tout ce beau monde. Et le mot de la fin, Joseph. Vous avez un problème? Nous avons un podcast. Yeah! Restez avec nous, nous en restons un.